c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Menabet ad magistri, vocem quisque sui felicitatus. Attends, c'est quoi le Space Montagne? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne, pour cet épisode qui sera consacré à « Quiconque nourrit un homme et son maître », un essai que Jack London m'a envoyé en me disant qu'il l'avait écrit en pensant à moi, ce qui est assez touchant, même si assez peu probable car Jack est un gros mytho. Comme j'ai déjà fait la lecture entière de ce truc ailleurs, je n'avais pas envie de me répéter, je vais donc prendre le texte d'une manière différente pour lui faire dire tout autre chose. Et pour ceux qui n'ont pas assisté à cette précédente séance de Kairis Lee Jack London, je vous résume la conclusion à laquelle j'étais parvenu. Il est des émetteurs qui créent, leur travail est favorisé par des diffuseurs qui proposent, afin d'être vendus à des récepteurs qui consomment. Émetteur, diffuseur, récepteur. Traduction, si toi faire machin vendable, chef te payer car Jean y en a acheté. Ah bon. Mais je dois bien avouer que la vision était un peu... était très radée pâquerette. Et je vous propose donc de revenir dessus, afin de découvrir que la démocratie a au moins un défaut, et je vous préviens, si vous êtes comme moi un défenseur du peuple opprimé, il y a moyen de finir l'épisode un peu désabusé. Ne perdons pas plus de temps, tout de suite, Jack London. De nos jours, le candidat, ou plutôt le candidat émetteur, ou plus exactement, le candidat émetteur au ventre qui réclame et à la bourse vide, se trouve confronté à un violent paradoxe. Comme candidat, il est un homme qui n'a pas réussi. Et un homme qui n'a pas réussi n'attire pas la popularité. Comme homme, il doit manger, or sa bourse est vide. Comme émetteur, possédant une authentique âme d'émetteur, son plus grand plaisir consiste à épancher la joie de son cœur dans sa création. Et voici donc le paradoxe auquel il est confronté, et qu'il doit résoudre. Comment et selon quels usages doit-il chanter la joie de son cœur pour qu'une fois créé, ce chant lui fasse gagner son pain ? Jolie introduction qui ne nous renseigne pas sur grand-chose, si ce n'est que London a l'air de sous-entendre que je n'ai pas réussi et je trouve ça mesquin. Mais il appuie tout de même sur quelque chose qui sera important pour la suite, la distinction entre le désir et le résultat. L'émetteur, donc le créateur d'un produit quel qu'il soit, a un souverain besoin de faire. Le problème, c'est que si ce qu'il fait, c'est de la musique sérielle avec des boyaux d'autruche, bah tout le monde s'en fout, et il restera avec la bourse vide et le ventre qui réclame. Mais heureusement, le système a remédié à cela. Ainsi va le monde, et particulièrement au XXIe siècle. La popularité est l'idée maîtresse. La publicité fait rentrer l'argent, la diffusion attire la publicité, la production induit la diffusion. Problème, que diffuser ? Qui puisse induire une large réception, qui apporte de la publicité, qui fait rentrer l'argent. Jack, les phrases à rallonge, là ça va, hein, j'ai qu'une langue, moi. Oui, que diffuser qui fait rentrer l'argent, en fait. Voilà pourquoi le diffuseur est dominé par le commercial, qui garde les yeux rivés sur la production. Et la production doit être importante, pour que la publicité afflue, et pour que l'argent coule à flot. Si bien que le diffuseur propose au récepteur ce que le plus grand nombre veut recevoir. Il ne diffuse pas ce qu'il faudrait qu'il reçoive, car sa fonction n'est pas de persuader, mais de flatter. Bon, là on commence à ramer, alors reprenons lentement. La publicité fait rentrer l'argent, la diffusion attire la publicité, la production induit la diffusion. Ce que London dit là, c'est l'étalon d'une économie basée sur la publicité. Non sur le produit en tant que tel, on vend pas un objet, mais sur le fameux temps de cerveau humain disponible. On vend de la publicité. Plus exactement, la publicité accompagnant l'objet. Lui devient presque accessoire, hein, l'objet. Ou en tout cas, il n'est que corollaire aux revenus engrangés par la publicité, qui, elle, est le véritable produit. Le produit est réduit à un panneau publicitaire, ni plus ni moins, et son émetteur a une sorte de vulgaire homme sandwich. Hein. De plus, London met ici le doigt sur quelque chose de primordial, et a fortiori dans le mercatisme moderne, quand il dit « Voilà pourquoi le diffuseur est dominé par le commercial qui garde les yeux rivés sur la production. Il n'est plus de relation marchande qui ne soit basée sur le seul émetteur proposant sa production à un récepteur. Désormais, tout passe par un diffuseur, dont le but est de déterminer si le travail du premier est digne de parvenir jusqu'à la bourse du second. C'est cet ajout à la chaîne production-consommation classique qui a bousculé les rapports de force du marché. Et ce diffuseur, pour s'assurer de ne pas être court-circuité, s'est rendu indispensable, en se faisant le médiateur entre les promesses des émetteurs et les attentes des récepteurs. En effet, allez poser votre stand de baguette à Maubeuge et tenter de concurrencer les boulangeries Paul. Bon courage, hein. Les Athéniens d'il y a 2000 ans présentent le spectacle remarquable d'un peuple cultivé. Mais nous avons tendance à oublier, lorsque nous contemplons ce spectacle, que chaque Athénien était juché sur la tête et les épaules de 10 esclaves. Nous avons tendance à oublier que si chaque esclave s'était vu donner le droit de vote dans les affaires athéniennes, la culture des Athéniens aurait présenté un tout autre spectacle, moins remarquable. De même, aujourd'hui, avons-nous tendance à oublier que nous n'avons accordé qu'hier le droit de vote à nos propres paysans, à nos serfs, à nos vauriens. Il est certain que ce serf ou ce vaurien, avec 10 centimes en poche, deviendra un pouvoir dans ce pays. Sa voix libre et égale à celle des autres sera entendue, et le diffuseur l'écoutera, car le plus grand nombre est composé d'une majorité de gens de cette sorte. Bon là, Jack, tu te lâches, hein. Ça peut sembler un peu méprisant, mais, pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Je ne sais pas autour de vous, hein, mais autour de moi, je vois bien peu de gens qui semblent s'intéresser à des émissions, compliquées. En tout cas, le succès de France Culture est sans commune mesure avec celui de Touche pas à mon ch'ti à Ibiza ou je ne sais pas quoi d'autre. Si les récepteurs les plus nombreux étaient avides d'émissions compliquées, alors, déjà j'aurais un succès fou, Et surtout, c'est ce type de production qui serait favorisé par les diffuseurs, au détriment des émissions plus simples. Mais nous ne pouvons pas non plus aller décréter une supériorité de l'émission compliquée sur le vulgaire, jusqu'à faire interdire ce que certains jugent tout moisi pour avantager ce qu'ils considèrent pertinent, et pertinent selon quels critères en plus. Tout cela semble bien peu démocratique. Il existe bien des subventions ou des aides pour que les audacieux puissent piteusement tendre la main afin de demander l'aumône d'un état ou d'une fondation, mais ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Cela n'aide pas le candidat émetteur à remplir sa bourse vide, simplement à calmer pour un temps son ventre qui réclame. Car au bout du compte, ce qui gagne est ce qui séduit le plus grand nombre de récepteurs. Et ce qui séduit le plus grand nombre est invariablement ce qui est plus simple à comprendre. Car qui peut comprendre le compliqué peut comprendre le simple. Alors que l'inverse n'est malheureusement pas vrai. J'avais donc déjà perdu avant de commencer, merci Jack, tu ensoleilles ma journée. Mais bon, c'est ainsi. Et je vous ramène à ce qu'il écrit plus tôt quand il parle des rapports du diffuseur et du récepteur. Il ne diffuse pas ce qu'il faudrait qu'il reçoive, car sa fonction n'est pas de persuader, mais de flatter. Et nous sommes en plein dedans. L'objectif n'est pas de vendre une production utile, mais de vendre ce qui se vend. Si vous avez l'impression qu'on se mord la queue, alors déjà arrêtez parce que c'est douloureux, mais vous avez raison. On marche sur la tête lorsque on vend ce qui se vend, parce que ce qui se vend est ce qui se vend. C'est beaucoup plus simple quand c'est London qui l'écrit, hein. Il faut vendre pour attirer la publicité. Et pour vendre, il faut diffuser massivement. Or, pour diffuser massivement, il faut vendre. Autrement dit, l'estimation immédiate est faite par le plus grand nombre. Ce sont les nouveaux émancipés qui définissent le ton du discours que le commercial autorisera le diffuseur à proposer. Le diffuseur devient le porte-parole des nouveaux émancipés. Ce qu'ils veulent, il le veut. Il est le fournisseur, l'intermédiaire, l'acheteur de produits pour le compte d'une grande partie du peuple qui n'a ni le temps ni l'habitude de marchander et de discutailler pour elle-même. Et comme le diffuseur reçoit son pain des mains du plus grand nombre, l'émetteur qui colporte sa production reçoit, à travers lui, son pain de la même source. Le plus grand nombre les nourrit, et quiconque nourrit un homme est son maître. Si j'avais, lors de ma première lecture, insisté sur la servitude de l'émetteur face au diffuseur, je dois bien avouer une vue un peu borne, car je me suis trop concentré sur cette dualité. Alors que London, ici, et c'est ce qui est le plus déprimant dans l'histoire, rappelle que tous deux sont nourris par ce qu'il appelle le plus grand nombre. Il ne nous renseigne pas simplement sur l'autorité du diffuseur, mais il met en lumière ce second maître qu'est le peuple. Jusque-là, tout allait bien, hein. On pouvait cracher sur le diffuseur en chef, déjà parce qu'il y a chef dedans, alors je sais pas d'où vous m'écoutez, mais ici c'est la Gaule, donc on gueule sur les patrons, parce qu'en plus d'être bien monté, on est remonté. Mais là, ce que London nous explique, c'est qu'il n'y a pas que le patron, il y a le public, et ce public est le maître. Non juste le patron qui est pointé du doigt en toutes circonstances, notamment dans toutes les analyses économiques et politiques alternatives ou dites alternatives, qui voudraient voir le patron, le chef, comme le pouvoir absolu qui met en esclavage le salarié. Bien sûr, cela reste vrai, hein. Mais c'est fort insuffisant. Car à partir du moment où vous faites de l'argent la valeur cardinale, vous donnez au plus grand nombre la responsabilité de distribuer le pain. Le peuple devient le maître, car il nourrit. Pas directement, hein, mais parce qu'il choisit. Sans lui, pas de succès. Donc pas de diffuseur en chef qui nourrit. Conclusion. Mon cher Jack est ici d'une clarté assez cruelle hein, sur la manière dont les émetteurs, dont je fais partie en tant que pseudo-artiste, mais dont nous faisons tous partie, à partir du moment où nous mettons notre corps à l'épreuve de l'emploi. Qu'est-ce que je disais ? Oui, dont les émetteurs, donc, se retrouvent comme obligés d'accepter un système en cercle vicieux qui voudrait que l'émission soit non plus seulement liée à la réception, mais même plus seulement à la diffusion. Ce qui avait pu être le cas dans les siècles précédents. Si au départ, le rapport était, somme toute assez simple, il fut déjà compliqué lorsque la médiation imposée par le diffuseur vint rompre le lien direct entre la production et sa consommation. Mais alors qu'un équilibre aurait peut-être pu être trouvé, hein, la démocratie, avec tout le bien qu'on peut en penser par ailleurs, la démocratie s'en mêle comme lorsque le plus grand nombre décide, inconsciemment hein, certes, mais décide tout de même, de distribuer des bons et des mauvais points en faisant en sorte qu'un journal People tire davantage qu'une revue d'opinion, qu'une voiture hyper polluante soit considérée comme plus sexy qu'un véhicule électrique, ou que la disparition de quelques maraîchers vaut bien des légumes à prix cassé au supermarché. Le diffuseur, jusqu'alors seul maître à bord, se doit d'aligner ses tendances sur celles du plus grand nombre. Car, je vous le rappelle, ce qu'ils veulent, ils le veulent. Si mon système est un gentil toutou, le diffuseur est le gentil garçon qui donne la friandise. Mais le plus grand nombre est les gentils parents qui disent « Oui, tu peux donner au gentil toutou » ou « Non, c'est un méchant toutou ». Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le deuxième épisode du Space Montaigne sur « Quiconque nourrit un homme est son maître ». Et en attendant le prochain, n'hésitez pas à remplir ma bourse vide et mon ventre qui réclame en m'envoyant des centimes ou des harengs pommes à l'huile. Je vous retrouve très vite.